elle fut réveillée au matin par une grande lueur qui teignait son lit de sang. Et ses carreaux, tout barbouillés de givre, étaient rouges, comme si l'horizon entier brûlait. S'enveloppant d'un grand peignoir, elle courut à sa fenêtre et l'ouvrit. Une brise glacée, saine et piquante, s'engouffra dans sa chambre, lui cinglant la peau d'un froid aigu qui fit pleurer ses yeux. Et, au milieu d'un ciel empourpré, un gros soleil rutilant et bouffi, comme une figure d'ivrogne, apparaissait derrière les arbres. La terre, couverte de gelée blanche, dure et sèche à présent, sonnait sous les pieds des gens de ferme. En cette seule nuit, toutes les branches, encore garnies des peupliers, s'étaient dépouillées, et derrière la lande apparaissait la grande ligne verdâtre des flots, tout parsemée de traînées blanches. Le platane et le tilleul se dévêtaient rapidement sous les rafales. À chaque passage de la brise glacée, des tourbillons de feuilles, détachés par la brusque gelée, s'éparpillaient dans le vent comme un envolement d'oiseaux. Jeanne s'habilla, sortit, et pour faire quelque chose, alla voir les fermiers. Les Martins levèrent les bras, et la maîtresse l'embrassa sur les joues. Puis on la contraignit à boire un petit verre de noyau, et elle se rendit à l'autre ferme. Les couillards levèrent les bras, la maîtresse la bécota sur les oreilles, et il fallut avaler un petit verre de cassis. Après quoi, elle rentra déjeuner. Et la journée s'écoula, comme celle de la veille, froide, au lieu d'être humide. Et les autres jours de la semaine ressemblèrent à ces deux-là. Et toutes les semaines du mois ressemblèrent à la première.